Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions autour de la spiritualité initialement diffusée en octobre 2019. Aujourd'hui, troisième épisode, le chamanisme, une expérience de l'invisible. Événement ce matin sur les chemins de la philosophie, alors que notre lecteur Georges Clay s'apprêtait à lire les textes sur le chamanisme pour les besoins de l'émission du jour, il semblerait qu'un esprit se soit emparé de lui et l'ait contraint à émettre un chant jusque-là inconnu, et les efforts de notre réalisateur Thomas Beau n'ont pas suffi à le ramener à la raison. Je me trompe pas beaucoup, ils sont quand même pas facile ces textes-là quand même. C'est moi qui suis obtus ce matin. Non, t'es pas en phase. En fait, Adèle a misé fort sur toi en disant que t'étais très proche des chamans et tout ça. Moi ? Bonjour Charles Stepanov. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci beaucoup. Alors je rassure les auditeurs, Georges Clès va très bien. Hein. C'était un montage de Thomas Beau et on vous est en train d'écouter un véritable chant chamanique qui s'appelle la flèche bariolée d'ailleurs. Alors, voyager dans l'invisible technique chamanique de l'imagination, c'est le titre de votre livre qui est paru aux éditions de La Découverte avec une préface de Philippe Descola. Si le rôle du chaman consiste à faire dialoguer le visible avec l'invisible, est-ce qu'un esprit peut rendre visite à n'importe qui, à n'importe quel moment? Eh ben, ça arrive, oui, justement. C'est vrai que on a l'impression que dans les sociétés à chaman, il n'y a que le chaman qui va avoir accès aux esprits. Et des fois, on va dire le chaman, ben, c'est celui qui voit les esprits, celui qui leur parle, celui qui cohabite avec eux. En fait, non. Moi, où j'ai fait du terrain en Sibérie du Sud, il y a un contact, des relations quotidiennes de chacun qui sont indispensables avec les esprits, mais sur un mode particulier, pas chamanique. Ça veut dire que tous les matins, eh ben, la mère de famille, par exemple, elle fait des offrandes, du lait, du thé, qui sont projetés en libation aux esprits de la montagne, des rivières. Et puis, il peut y avoir une invasion des esprits dans certaines personnes sans qu'ils l'aient souhaité. Là, s'ils sont pas chamans, ça peut être dommageable. Donc, Georges Clès aurait pu véritablement être l'objet d'une visite d'un esprit lors de sa séance de lecture de texte. Pourquoi pas, s'il a un certain talent, une certaine ouverture. Oui, oui. Après, toute la question, c'est comment il va être capable de le recevoir. Et c'est ça qui fait la différence entre les profanes et les chamans. Il y a des gens qui vont être possédés, et ça donne des résultats qu'ils contrôlent absolument plus. Et donc, personne en Sibérie va dire c'est un chaman. On va dire juste, il y a un esprit qui s'est installé en lui, qui est juste en train de lui manger son foie. Et il va pas vivre très longtemps. Les gens deviennent fous, se suicident, il y a énormément de phénomènes comme ça. Et c'est pas des cas de chaman, parce que le chaman, il a cet aspect de venue, de force de l'extérieur qui s'empare de lui, mais à un moment, il y a un retour, une prise de contrôle. C'est ce double versant qui est capital et qui fait le chaman, d'une part, être envahi, possédé, mais aussi, d'autre part, avoir une forme de maîtrise sur ce qui vous arrive, ce que vous voyez, sur vos rêves. On va essayer de comprendre ça ensemble ce matin, parce que vous imaginez, vous, c'est votre domaine de recherche, mais que pour la plupart des auditeurs, ce que vous dites peut relever d'une forme de superstition. Donc on va essayer de voir dans quel sens tout ce que votre objet d'étude est quelque chose de vraiment réel que vous avez observé. Vous êtes ethnologue, spécialiste de la Sibérie, maître de conférence à l'école pratique des hautes études et membre du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Et donc dans ce livre notamment, Voyager dans l'invisible, vous expliquez ce que sont que ces pratiques dites chamaniques. Vous avez parlé de la Sibérie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chamanisme naît en Sibérie. Pas exactement. Le mot chaman, il vient d'un groupe de langues sibériennes, les langues tungus-o-mandchous, les vinques, les veines. Ensuite, c'est passé en russe très tôt, hein, quand les Russes sont arrivés, qu'ils ont rencontré ces peuples-là au moment de la colonisation au XVIIe siècle. Ils tombent sur ces pratiques, ils demandent ce que c'est, mais on leur dit bah, c'est des chamans. Et ils emploient ce terme qu'ensuite ils vont transmettre aux voyageurs hollandais et allemands scientifiques qui eux-mêmes font publier des travaux au cours du XVIIIe siècle traduits dans toutes les langues européennes, et c'est à ce moment-là que le terme chaman et la notion de chamanisme se répandent en Europe occidentale. Mais on peut trouver des pratiques où il n'y a pas ce mot-là, qui présentent énormément de traits communs dans les techniques de guérison, dans les procédés linguistiques qui structurent les chants chamaniques, parce que ça, c'est central dans la pratique chamanique, le chant. Et là, du coup, les ethnologues emploient cette notion de chamanisme, pas seulement pour la Sibérie, mais aussi pour décrire des traditions comparables en Amérique du Nord, en Amazonie. Et puis certains vont plus loin, en Afrique du Sud, chez les chasseurs-cueilleurs, bushmen, et en Australie, et on peut aller plus loin encore dans beaucoup de régions, même en Corse. Comment vous définissez le chaman ? Alors, le chaman, c'est quelqu'un qui a une... disons que c'est une forme de distribution du travail, une forme de division du travail, le chamanisme, qui fait qu'il y a des experts... un peu comme n'importe quel travail, comme le cordonnier, le forgeron, eh bien, le chaman, c'est un expert, pas des chaussures ni du métal, mais de l'invisible. Alors, comment il devient expert ? Eh bien, parce que les gens reconnaissent en lui un talent supérieur à eux, une compétence qui fait qu'ils vont lui déléguer un certain nombre d'opérations importantes de la vie quotidienne dans les relations des humains avec leur environnement. Ce qui fait qu'on a trois éléments dans le chamanisme. Un expert... c'est le chaman, des gens qui sont pas experts et qui reconnaissent l'autre comme un expert, c'est les profanes, et puis un tiers qui est l'invisible, qui sont les esprits. Il faut ces trois éléments. Si on a juste quelqu'un qui dit « moi tout seul je suis chaman », comme ça arrive en France, ça fait pas du chamanisme parce qu'il n'y a pas des gens autour qui le reconnaissent comme un expert à qui ils vont confier des choses importantes de leur vie. Mais il faut distinguer le chaman du chamanisme. Quand vous dites chamanisme, ça s'applique et ça désigne quoi ? Un courant de pensée, une pratique, une tribu, une religion ? C'est cette forme de division du travail mental, division du travail cognitif dans l'accès à l'invisible. Alors, ça peut être une forme de religion, mais ça peut aussi bien cohabiter avec d'autres religions. Sur mes terrains en Sibérie, eh bien, les gens vont revendiquer comme religion le bouddhisme ou le christianisme orthodoxe. Et par ailleurs, ils pratiquent des rituels chamaniques, mais qui ne font pas concurrence à leur appartenance confessionnelle. C'est souvent d'ordre très pratique, hein, ça va concerner des relations quotidiennes aux esprits, aux animaux, aux montagnes, à l'environnement, des questions de guérison, d'objets perdus. Mais ça ne fait pas forcément concurrence à la religion confessionnelle elle-même. Mais alors, quelle est la fonction du chaman, justement ? C'est de guérir ? Comme je vous disais, du chamanisme, on en voit dans énormément de régions. Alors, c'est difficile de répondre de façon globale. Le trait commun, oui, c'est la guérison, mais il peut y avoir énormément d'autres fonctions. Donc, en fait, les sociétés, elles font des choix. Hein. Quand elles identifient des personnes comme ayant du talent, elles vont lui confier plus ou moins de responsabilités dans la relation de la société au monde. Ça peut être, le plus simple, c'est de guérir et de faire de la divination. Parce que les chamans, ils voient ce que les autres ne voient pas. Donc, il peut trouver la cause de la maladie. Mmh. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va retrouver partout. Mais il y a des sociétés qui confient plus de pouvoir au chaman, qui vont lui confier la relation de chaque famille au feu. Pourquoi ? Parce que le feu, c'est un être vivant qui est représenté par qui héberge un esprit dans beaucoup de sociétés, qui nourrit la famille, qui apporte la chaleur, qui représente son bonheur. Eh bien, dans un certain nombre de sociétés, on considère qu'il faut un expert, le chaman, pour gérer les relations de la famille au feu. Ça peut être plus large, ça peut être toute une communauté territoriale qui, pour gérer ses relations à la montagne, à la rivière, eh bien, fait appel à un expert. Ça, c'est important parce qu'il y a des sociétés qui ne font pas ce choix, où c'est le groupe lui-même qui organise des cérémonies, où tout le monde bat du tambour, tout le monde appelle les esprits, tout le monde est possédé, et il n'y a pas besoin de division du travail. Alors que dans les sociétés hiérarchisées, eh bien, ces fonctions-là, elles ne peuvent plus être pratiquées par n'importe qui. Elles sont déléguées à un spécialiste. Et là, ce qui m'intéresse en termes d'évolution sociale, on voit se former les premières formes de hiérarchisation au sein de ces sociétés. Alors, pour éviter les généralités, je vous propose qu'on prenne un cas particulier que vous citez dans votre livre. Votre livre se base sur des données que vous avez récoltées à Touva. Et à cet endroit, vous avez recueilli le témoignage d'une chamane nommée Ondarma. On va entendre son témoignage lu par Georges Claes, toujours lui. Je n'ai pas appris. Je me souviens de tout de l'époque où j'étais petite. Je me souviens comment ma mère me langeait, dans quelle partie du lit elle me posait. Je regardais par la fenêtre, je me souviens. Je me souviens de la première fois que j'ai marché. Je regardais les nuages, c'était quand j'avais 2 ans. Ensuite, à l'école, je n'arrivais pas à apprendre mes lettres. Je me souviens de tout de l'enfance. Et ma mère ne prêtait aucune attention au fait que je me souvenais de tout. Et en 4e-5e classe, je vois une chose rose avec des oreilles jolies. Je me souviens de ça jusqu'à maintenant. Elle me souriait. Et puis, elle a disparu dans le mur. Moi, je pensais que ces bêtes-là existent, effectivement. Et puis, j'ai remarqué que personne n'en parlait. Elle avait une petite corne, de jolis yeux de tzigane. Et puis, en 5e-6e, j'ai commencé à prédire ce qui va arriver à mes amis. Elles m'ont dit « Maintenant, tais-toi, sinon ça va encore se produire. » Je disais « Cette bouteille va tomber. » Et elle tombait. Tout ce qui est chamanique m'est apparu à ce moment. Ou bien on partait en voiture et je disais « N'y allons pas, sinon on va se renverser. »« Tais-toi, » on me disait, « elle ne va pas se renverser. » Et puis elle se renversait. C'était tout comme ça. Nous parlons de spiritualité cette semaine sur les chemins de la philosophie sur France Culture. Aujourd'hui, du chamanisme, et vous venez d'entendre le témoignage d'une chamane nommée Ondarma. On croirait, en écoutant le texte, Charles Stepanov, qu'il s'agit de presque d'un scénario de film fantastique. Alors, aidez-nous à prendre ce témoignage au sérieux et nous dire, par exemple, quel est cet esprit que la personne voit. Vous avez parlé d'esprit. Comment est-ce qu'on peut voir un esprit? Alors là, ce qu'elle voit, justement, c'est un peu indéfinissable. Ça commence comme ça, les biographies de chamans. C'est quelque chose d'imprécis. Une chose rose avec des oreilles jolies. Ça émerge dès l'enfance. Les personnes qui vont être reconnues comme chamans, eh bien, ils ont souvent des visions de ce genre-là. Mais étant enfants, ils savent pas eux-mêmes trop ce que c'est. Les gens n'y prêtent pas vraiment attention dans leur entourage. On va leur dire, comme elle le dit, non, mais arrête avec tes histoires. Ça fait un peu peur, souvent, c'est inquiétant. Ça peut être des histoires liées aux morts. Il y a de la puissance dans ces visions. Jusqu'au moment où les gens vont prendre ça au sérieux. Dans l'entourage, et se dire, là, manifestement, c'est pas juste des lubies, il se passe quelque chose avec cette petite fille. Elle est capable de percevoir des choses que nous, on perçoit pas. Et là, les gens vont essayer de se demander, qu'est-ce que c'est que ces images? Et du coup, elle-même, la petite fille, elle va aussi se demander, mais d'où ça sort? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je peux communiquer avec eux? Elle va approfondir cette relation. Et là, ça va devenir de plus en plus précis. Sauf que pendant longtemps, elle peut pas mettre de nom. C'est quelque chose qui est obsédant, qui lui fait mal, qui va la pousser à s'éloigner de la communication avec sa famille. Très souvent, quand ils deviennent adolescents, ces enfants-là, eh ben, ils vont fuir dans la forêt, ils vont fréquenter plutôt les animaux, ils parlent à personne, ils ont des crises de furie, ils s'isolent, jusqu'au moment où la figure devient de plus en plus précise. Et là, on va pouvoir parler effectivement d'un esprit, dans la mesure où ça devient, pour cette personne, un vrai personnage, un compagnon. Ensuite, il y a souvent un chaman professionnel, disons, expérimenté, qui est invité par la famille. La famille dit, voilà, on a un problème avec cet enfant, très très bizarre, elle voit des choses que nous on voit pas, elle annonce l'avenir, elle est absolument imprévisible dans ses comportements, qu'est-ce qui se passe? Là, le chaman, il peut dire, eh ben, c'est un mauvais esprit, on va le chasser, on va s'en débarrasser, on va la guérir. Ou bien il va dire, on ne peut pas la guérir, c'est juste qu'elle est chamane. Et ça, vous ne le changez pas, c'est juste sa nature qui est comme ça. Et pourquoi? C'est parce qu'elle avait des ancêtres chamanes, et cette petite bête rose, eh bien ça va devenir en fait sa grand-mère, son ancêtre. Hein. Ça veut dire que c'est héréditaire? Oui, absolument. Le chamanisme? Tu vois, c'est obligatoirement héréditaire. Il peut arriver qu'il y ait des nouvelles lignées qui apparaissent, vraiment, ça laisse un peu de place pour de la nouveauté, mais c'est mal vu. Le premier chaman d'une lignée, celui qui n'a pas d'ancêtre, les gens ont énormément de doutes sur ses compétences. Ils vont préférer quand même aller consulter des gens qui revendiquent 7 ancêtres chamans, avec le nom des différents esprits à chaque génération, parce que bah, c'est de la puissance qui s'accumule au fil des générations. Donc, les visions... elles sont floues au début, elles deviennent de plus en plus précises. Ensuite, le chaman en devenir va arriver à leur donner un nom et à réguler les relations qu'il a avec ces personnages invisibles en pouvant les convoquer quand il en a besoin. C'est un long processus, ça dure des années. C'est la transformation qui fait passer d'un adolescent en crise à un chaman respecté. Mais dites-nous en plus sur ces esprits, justement, vous dites que ce sont des personnages. Est-ce que c'est une manière pour des êtres qui ont été vivants, de rester vivants, mais de manière invisible sous forme d'esprit? Est-ce que c'est l'invention de personnes ou de personnages qui n'ont jamais eux-mêmes été vivants? Quelle est la nature de la réalité de ces esprits? Voilà, bonne question philosophique occidentale que ne pose jamais personne en fait les Sibériens. Non, mais c'est très intéressant. Et c'est difficile pour l'ethnologue, justement, d'essayer de comprendre comment on va pas pouvoir répondre à ces questions et pourquoi, surtout, les gens se la posent pas. Déjà, il n'y a pas de terme pour esprit, en général, dans ces sociétés-là, et en particulier en Touva, là où j'ai fait mon terrain. Donc ça pose un problème à l'ethnologue. Nous, on va sur le terrain, on se dit, allez, on va enquêter sur les esprits, nous, quels sont les esprits. Il n'y a même pas de mot pour dire esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément, en fait, d'entités, de statuts tout à fait divers, qui sont sur le même plan que le renne, la montagne. Eh bien, vous allez avoir la fée, la sorcière, voilà, des tas d'entités, l'âme, que nous, on va classer dans les choses spirituelles et eux ne le font pas. Donc déjà, nous, ça nous met en garde, ça nous dit, attention avec nos catégories, peut-être que là, on va essayer de comprendre comment ça s'organise sur le plan cognitif d'une autre manière que ce à quoi nous, on est habitués. Donc, pour quand même répondre un peu plus, il y a par exemple ce qu'on appelle Ési, en Touva, ça veut dire le maître de quelque chose. Ça peut être le propriétaire d'un appartement, le maître d'un chien ou le maître d'une montagne. Et dans le langage, quand les gens en parlent, c'est juste la même chose. Sauf que le maître d'une montagne, nous, ben, on aura du mal à le voir et à comprendre ce que c'est. Parce que ça, ben, nous, dans notre langage, c'est un esprit. Les gens vont le décrire pour une montagne, les gens m'en parlaient, la maîtresse de cette montagne, elle est sur un cheval blanc, c'est une très belle femme, une princesse. Il y a des gens, des fois, qui la voient, ils en meurent tout de suite. Des gens qui arrivent à la voir plus longtemps, ils vont peut-être devenir des chamans. Ça, c'est un type d'esprit. C'est lié à un lieu, à une montagne, une rivière. C'est ce qu'on appelle les esprits maîtres, hein, dans le jargon ethnologique. En fait, pour expliquer, pour une oreille occidentale, ça représente la subjectivité d'un lieu. C'est le fait que les gens y voient la montagne, la rivière comme quelque chose de vivant. C'est pas le point de vue naturaliste à l'occidental. Pour eux, ça a une puissance, ça a une capacité à punir les gens, à se fâcher. Ça et a des à être chaman. On apprend en lisant votre livre qu'une plante peut devenir chaman. Voilà, il y a des arbres qui sont considérés comme des chamans. La montagne, c'est une sorte de super chaman, hein, puisqu'elle a des pouvoirs de métamorphose, elle donne la nourriture aux gens en donnant du gibier. C'est vraiment la montagne généreuse qui protège, qui punit, qui va tuer les Occidentaux, par exemple, qui veulent faire de l'alpinisme, qui, eux, ne voient pas la montagne comme un être animé, mais plutôt comme un tas de pierres qui est un défi, hein, le point de vue sportif de l'alpinisme. L'alpinisme est une manière de faire du mal à la montagne? C'est une manière de ne pas la respecter, parce que dans la perception occidentale de la montagne, avec l'alpiniste, il s'agit de se mesurer, hein, c'est une sorte de défi. Il y a l'homme face à la nature, c'est cette conception-là, je pense, qui anime consciemment ou pas l'alpinisme. Dans les perceptions chamaniques, on ne peut pas se mesurer à la montagne. Elle est plus haute que nous, elle est plus puissante que nous. C'est un domaine sauvage dans lequel on n'a pas le droit d'entrer. Il y a des lieux comme ça, très importants, où juste les hommes ne sont pas à leur place. Donc, on appelle ça des lieux où on ne va pas, parce que c'est habité. Et les gens disent, des tas de gens m'ont raconté, ça m'est arrivé, moi étant gamin, j'étais à la chasse, je me suis paumé, et tout d'un coup, j'entends des gens qui parlent dans la forêt. Tout d'un coup, il se met à pleuvoir alors qu'il faisait très beau. Il y a un coup de vent qui se lève. J'entends des gens qui traient du bétail, or personne n'habite là-bas. Et en fait, on sait que là, on est arrivé chez des esprits, chez des habitants, des hommes de la montagne, qui ont leur territoire à eux, et donc où les humains n'ont pas leur place. Voilà, ça c'est un type d'esprit. Vous avez aussi des esprits type que nous on appelle des démons, des diables, des bestioles qui ont envie de faire du mal. C'est ça qui cause les maladies. Mais c'est pas qu'ils soient foncièrement méchants, c'est une vision en termes de chaîne alimentaire. Donc il faut bien qu'ils se nourrissent. De même que nous, on massacre du gibier, des animaux pour se nourrir, et ben eux, ils ont besoin de manger, de nourrir leurs enfants, donc ils mangent des humains, ils prennent le foie, le cœur, et ils le dévorent. Donc là, ben, il faut juste arriver à limiter leur prédation. Mais diriez-vous que c'est l'équivalent d'une grille de lecture, en fait, du monde et d'une manière d'habiter le monde, plutôt que d'ériger des principes abstraits pour dire il faut respecter la montagne et d'ailleurs décrétons qu'il y a un droit naturel à la montagne, eh bien partons du principe, mais c'est pas une décision objective, hein, que chaque entité naturelle a une âme, si ce n'est un esprit, et que nous devons cohabiter avec elle. Tout à fait. Il s'agit de perceptions de l'environnement qui sont fondées sur des expériences renouvelées en permanence. Donc, on pourrait comparer, par exemple, les lieux où on doit pas aller, dans la tradition chamanique, avec les réserves naturelles. Parce que finalement, quand nous, on érige une réserve naturelle, on dit aussi c'est un lieu où on va plus aller, on va laisser le gibier, les animaux sauvages, les plantes se reproduire, nouer des relations d'évolution indépendamment de l'intervention humaine, créer un domaine sauvage. Or, on n'a pas vraiment la même chose quand on essaie de comprendre ces lieux où on ne va pas au sens chamanique, parce que c'est jamais une opposition entre ce qui est humain, ce qui est humanisé, et ce qui est naturel et sauvage. Déjà parce que ça bouge, c'est pas des frontières hermétiques. Il y a des lieux où on ne va pas, qui naissent, parce que un gamin il a eu cette expérience, il a senti un grand coup de vent, il a retiré ses chaussures, il s'est dit « là c'est un lieu habité ». C'est un peu comme Moïse hein, face à la montagne, c'est des thèmes vraiment assez universels. On retire ses chaussures dans un lieu sacré, et là ça fait naître quelque chose de nouveau. Et puis il y en a qui vont s'effacer, qu'on va oublier, et dans lesquels les gens vont se remettre à passer. Quelquefois ça peut être un comportement du bétail, les rennes, qui se mettent à s'affoler, à tourner en rond. Et là les gens comprennent que c'est habité, donc il faut aller ailleurs. Bref, c'est plutôt transmis, vous voyez, ce genre de perception du paysage sous forme d'une éducation du regard, comme dit Tim Ingold, une capacité à percevoir des petits signes qui surgissent de façon imprévue et à les interpréter comme des messages. Enfin, du regard, si c'est l'invisible, on ne les voit pas, justement. C'est plutôt un sens autre que la vue qui détecte une présence. Si, parce que vous détectez des indices visibles d'une présence invisible. C'est ça que, effectivement, on a du mal à faire, parce que le visible, il est présent, il habite. Pardon, l'invisible. Il peut se manifester sous forme auditive, déjà. Alors, vous entendez des choses, sous forme de sensations. Des gens me disaient, j'ai senti quelque chose sur mon épaule, ça appuyait. Ah, j'ai compris, là, qu'il y avait un esprit. En Occident, quelqu'un qui ferait ces expériences, il serait considéré comme malade, fou? Alors, l'Occident, c'est compliqué, c'est plein de choses à la fois, l'Occident. Il y a énormément de traditions liées à l'invisible dans le monde rural, les traditions religieuses en Occident, des apparitions, évidemment. Tout ça, ça a une place extrêmement forte hein, dans l'histoire occidentale. Par contre, dans l'ontologie, disons, naturaliste, dominante, qui cherche à objectiver la nature, oui, effectivement, c'est considéré comme des traits, des expériences subjectives qui ne nous indiquent rien sur la réalité des choses. Donc il y a peut-être des chamans qui s'ignorent en Occident. C'est ce que m'ont toujours dit les Touvas, en tout cas, que oui, parmi nous. Les gens me demandaient, chez vous, il y a des chamans? Je disais, pas trop. Il y en a, mais vous ne savez pas les voir, quoi. Il y en a qui se découvrent aussi chamans, soudainement, lors d'un certain voyage. Eh bien, je vais vous raconter comment le hasard m'a frappée, et surtout comment il m'a conduite à essayer de savoir si la transe chamanique était une capacité du cerveau ou pas. Donc, nous commençons en 2001... Dans cette région de la Mongolie, la nuit tombe, le chaman revêt son tambour, j'installe mon matériel pour la BBC, et voilà ce qu'on entend. Le problème, c'est que le son de ce tambour fait quelque chose de particulier sur mon corps, je me mets à trembler, je fais des mouvements de plus en plus violents, je me mets à hurler comme un loup, j'ai l'impression que mes mains deviennent des pattes, que mon nez devient une truffe, je me transforme en loup, et... Le pire, c'est que j'ai l'impression que tout ça arrive, mais que je n'en ai absolument plus le contrôle. Le tambour s'arrête, la transe s'arrête, le chaman s'adresse à moi, il a l'air en colère. L'ami mongole qui m'a accompagné traduit, et le chaman me dit « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais chaman ?» Cette autre perception de la réalité, un petit peu comme si elle était augmentée, cette autre façon de percevoir le monde, était juste le résultat d'une modification du comportement de mon cerveau. Donc pourquoi et à quoi ça sert, on n'en sait rien encore, mais ce dont on peut être certain, c'est que ce que nous percevons du monde, ce que nous voyons, n'est pas le monde, mais est vraiment un modèle du monde créé par notre cerveau. Les chemins de la philosophie. France Culture, Adèle Vendrette. Corinne Sombrin est documentariste quand elle assiste à un rituel chamanique en Mongolie. Dans le rituel, elle l'explique. Hein, durant ce rituel, elle entre en transe. Elle raconte, c'est un extrait du TEDx Paris le 27 novembre 2012 à la Gaîté Lyrique, comment, suite à cette expérience, elle est devenue chamane en suivant une formation et comment elle travaille désormais avec des neuroscientifiques pour étudier les effets de la transe sur le cerveau. Charles Stepanov, comment vous recueillez-vous ce type de témoignage qui me semble aller à l'encontre de ce que vous décrivez déjà, parce que vous avez dit que le chamanisme c'était héréditaire. Là, elle décrit une expérience de transe qui lui tombe dessus, qui lui fait découvrir qu'elle-même est chamane, et c'est une tierce personne, un chaman, qui lui annonce. Comment est-ce que vous êtes sceptique par rapport à ce genre de témoignage ou pas ? Alors déjà, non, ça correspond exactement effectivement à ce que je disais, parce que je connais un petit peu l'histoire. C'est une chamane, Tsatan Nretuya, elle s'appelle, qui fait cette remarque à Corinne Sombrin et qui immédiatement va lui dire qui tu avais comme ancêtre. Et là, Corinne Sombrin est un peu surprise, parce que elle est dans le schéma de l'occidental qui est en rupture avec sa culture, qui veut rompre avec ses origines, avec ses racines. Elle arrive chez les Mongols qui lui disent « Qui sont tes ancêtres? Il faut que tu les redécouvres. » On dit « Peut-être, ouais, il y avait peut-être un rebouteux, etc. » Donc là, on a une attitude typique des Mongols et qu'on a en général en Sibérie centrale, dans ce monde que j'appelle hiérarchique, qui résonne en termes de lignage de chaman. Si quelqu'un manifeste un comportement particulier, une sorte de talent qui le connecte à l'invisible, c'est nécessairement qu'il avait des ancêtres chamans qui lui ont transmis, pas juste une relation avec les esprits, mais un corps spécial. Pour les Mongols, les Tsatan, les Touva, les chamans ont un corps différent, un squelette différent des gens ordinaires. Donc on a effectivement ce renvoi vers les origines qui est un peu troublant pour les Occidentaux. Alors ensuite, au niveau des expériences neuroscientifiques qui sont menées sur la transe, alors moi, mon point de vue, c'est que la transe, on en exagère énormément l'importance dans la perception qu'on a en Occident du chamanisme. Moi, les premières personnes que j'ai vues en transe en Sibérie, c'était pas des Sibériens, c'était des touristes chamans qui venaient d'Autriche et qui venaient, disaient-ils, se ressourcer, enfin découvrir le chamanisme, ils pratiquaient déjà. Et devant les Touvas ébahis, on voyait des dames autrichiennes, chic, de 50 ans, qui entraient en extase. Et les Sibériens ne comprenaient pas ce qui se passait. Parce que les chamans Touvas, eux, ils font pas comme ça. Le chamanisme, il est fondé, le rituel, sur des chants. C'est la chose la plus importante, qui est totalement ignorée dans les courants néo-chamaniques en France et en Occident. Et qui donne énormément de boulot aux ethnologues, parce qu'essayer de comprendre ces chants, c'est très difficile. C'est des choses extrêmement élaborées, c'est versifié, avec une syntaxe modifiée, avec des allusions métaphoriques. C'est du Rimbaud. C'est splendide. J'ai vu pas mal de gens qui se disent chamans en France, des Français. Je n'ai jamais entendu un chant chamanique dans la bouche d'un chaman français. Pourquoi ? Parce que la perception qu'on a en France, en Occident, du chamanisme, c'est lié à notre conception de l'individu. On a une conception de l'individu qui est la valeur centrale de notre système de valeurs, dans laquelle l'individu, c'est une sorte de bulle qui a son sens en lui-même, qui est fermé sur lui-même. Et du coup, on utilise le chamanisme comme une façon de se découvrir soi-même, de renouer avec sa propre personne, de mieux se connaître. On va découvrir des animaux qui représentent des états intérieurs. Et tout est tourné vers le fait de rétablir une bonne relation de soi à soi. On va explorer le cerveau. Donc typiquement, là, Corinne Sombrin, elle va faire des expériences avec des électroencéphalogrammes qui essayent de décrire le cerveau. Or, dans les traditions chamaniques autochtones, c'est exactement l'inverse. Au contraire, on va essayer d'utiliser ces talents-là pour mieux comprendre la montagne, pour mieux comprendre l'esprit de la rivière, mieux comprendre le comportement des rennes autour de nous, des troupeaux, renouer des contacts avec des ancêtres. Bref, c'est entièrement tourné vers l'extérieur. Donc là, on a finalement, ça nous apprend beaucoup de choses sur l'Occident, je trouve. C'est intéressant en tant que tel, comme objet anthropologique, cet intérêt actuel de l'Occident sur le chamanisme. Qu'est-ce que l'Occident prend? Qu'est-ce qu'il prend pas? Qu'est-ce qu'il rejette et qui passe à la trappe? Mais qu'est-ce que vous, vous êtes allé chercher en y allant? Alors moi, j'ai commencé en philo. Je travaillais sur les questions d'usage poétique du langage, d'usage anormaux de la langue, à partir de Ludwig Wittgenstein. Et je me suis intéressé à la magie, il a travaillé un peu là-dessus, Wittgenstein. Qu'est-ce qui se passe quand des humains utilisent le langage pour agir sur le monde? Et évidemment, c'est ce que font les chamans. Et donc là, je me suis dit, la philo, ça va pas me permettre de répondre à cette question, ces questions. Ma prof me l'a confirmé, elle m'a dit, il faut que vous deveniez anthropologue. Donc je suis parti sur le terrain. Est-ce que vous pensez que les mots de la philosophie n'agissent pas sur le monde? Si, certainement, mais c'est notre façon à nous. J'avais envie de découvrir les façons d'autres populations qui agissent sur la pluie, le temps qui fait... sur le cours des rivières et la façon dont les gens se sentent dans le monde. Et qui sait peut-être devenir voyant. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il la doit cultiver. Cela semble simple. En tout cerveau s'accomplit un développement naturel. Tant d'égoïstes se proclament auteurs, il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel. Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse, à l'instar des comprachicos, quoi. Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il cherche lui-même. Il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences, ineffables tortures où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient, entre tous, le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant. Car il arrive à l'inconnu. Puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche plus qu'aucun, il arrive à l'inconnu. Et quand affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innommables, viendront d'autres horribles travailleurs. Ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. Avant qu'on commente l'enregistrement que nous sommes en train d'écouter, Charles Stepanov, enregistrement que vous avez fait, dont vous êtes l'auteur, et vous aurez peut-être reconnu le bruit du loup qu'on a identifié, est-ce que vous avez reconnu le texte que nous avons entendu avant? Il s'agit d'une lettre de Rimbaud à Paul de Meny, Rimbaud que vous avez cité, en disant « c'est aussi beau que du Rimbaud », la lettre du 15 mai 1871 dit « la lettre du voyant », et dans laquelle Rimbaud définit le travail du poète comme étant celui du voyant, et peut-être, si vous avez été attentif, aurez-vous remarqué que la façon qu'il a de parler du rôle du poète est assez similaire, en fait, de celle du rôle du chaman. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est un très beau texte, très bien choisi, qui nous montre que je crois qu'on a une sorte de survivance, une forme de pensée chamanique chez nous à travers la littérature. C'est un des cas, à travers la figure du poète, on en voit des preuves dès l'Antiquité avec la notion de muse. La muse qui vient inspirer le poète, c'est une figure qui est tout à fait semblable à l'esprit. Qui possède le poète chez les Grecs anciens. C'est un terme qui ressurgit à la Renaissance, dans la période romantique. Cette idée qu'il y a des forces qui s'emparent du poète, de l'écrivain, une parole dont il n'est pas lui-même le créateur, mais qu'il transmet. L'idée qu'il y a des visions qui s'emparent de lui, quelque chose d'incontrôlable. On l'entend bien dans le texte de Rimbaud. C'est tout à fait proche des descriptions que les chamans font des visions qui leur apparaissent, des chants qui pénètrent leur bouche quand ils sont en train de chanter, qui sont incapables de reprononcer à la suite du rituel. Ça m'est souvent arrivé de demander à un chaman, dites, j'ai pas eu le temps de tout noter pendant le rituel, s'il vous plaît, on peut prendre le carnet et je note. Ah ben non, c'est fini là, il n'y a plus rien, je ne me souviens de rien, mais de rien du tout. Et c'est des discours qu'on a aussi bien en Sibérie qu'en Amérique. Donc ça prouve que c'est quelque chose d'assez fondamental, ce surgissement de la parole qui est lié à un moment particulier et qui n'est pas totalement maîtrisé. Ce qu'on appelle la transe un peu, non, justement, cet état alors, qui fait qu'on ne se souvient de rien et on n'est pas vraiment soi-même. Alors la transe ou l'extase, ça nous décrit quelque chose où il n'y a plus du tout de contrôle. Or, en réalité, on est plutôt dans un entre-deux, parce que naturellement, il faut qu'il y ait malgré tout un équilibre entre la spontanéité d'images qui surviennent et la maîtrise de la succession de ces images par le chaman, la maîtrise des esprits qu'il convoque et avec lesquels il dialogue. Parce que tout simplement, les gens qui sont en pure transe, en pure extase, hein, comme je le disais au début, ils ne sont pas considérés comme des chamans par les gens sur le terrain. C'est juste des malades, des fous, il y en a plein partout. On leur apporte, on leur accorde aucune attention. Donc c'est cet équilibre entre un surgissement spontané et puis une maîtrise qui est importante parce que c'est des vers rimés, comme je vous disais. Il y a une transmission d'une génération à l'autre de certains stéréotypes poétiques. Donc il y a une forme d'ouverture, je dirais, de la personnalité qu'on retrouve à la fois chez le poète et chez le chaman. Alors chez le chaman, il y a un rite très précis. Et pour rebondir sur le son qu'on a entendu, hein, on aura remarqué notamment le tambour, qui est un des éléments clés de cette de ce rituel, de cette pratique. De quoi parle-t-on? Oui, tradition chamanique, oui. C'est ça. Mais c'est quoi? C'est une prière, le moment où le chaman va exercer ce qu'il fait. Comment vous appelez ça? Mais il y a plein de circonstances différentes. Hein. Le chaman peut être consulté parce que vous avez perdu votre portefeuille. Là, vous avez non, demandé. Mais ce qu'on a entendu, par alors, exemple. Là, ce qu'on entendait, en l'occurrence, c'était un rituel de consécration d'un arbre pour une famille qui avait toutes sortes de problèmes qui s'étaient accumulés, une famille d'éleveurs. Ils avaient du bétail qui tombait malade, certains faisaient des cauchemars, et ils ont invité une chamane pour résoudre le problème. Elle leur a dit, il faut renouer les liens de votre famille avec la montagne et avec les esprits célestes. Et pour ça, il faut un intermédiaire. Mmh. Cet intermédiaire, ça a été un arbre. Alors, on est allé dans la forêt tous ensemble. On a cherché tous ensemble l'arbre qui conviendrait, un beau mélèze. Il a été choisi. Et la chamane, elle a invoqué tous les esprits des environs du ciel et elle a demandé aux esprits célestes d'envoyer une princesse qui est descendue et qui s'est installée dans cet arbre et qui est devenue l'esprit maître de l'arbre. Ensuite, le lien, comment il a été noué avec la famille, de la façon la plus concrète possible, puisque chaque membre de la famille a noué des petits rubans sur les branches de cet arbre, et c'est devenu l'arbre protecteur de ce groupe, qui ensuite lui rend visite individuellement, chacun quand il veut, c'est près de leur campement, et puis ils font des rituels collectifs avec des offrandes de nourriture plusieurs fois par an. Il n'y a pas de divinité? On peut appeler ça divinité si on veut, oui. Il n'y a pas exactement le terme divinité comme en français hein, dans ces langues-là, mais il y a les Tengerler, c'est les Tengri, on dit en mongol, hein, on traduit ça par le dieu céleste. Donc il y avait ici un esprit qui venait du ciel et qui est envoyé dans cet arbre pour devenir le gardien. Et chaque rite chamanique correspond à un protocole très précis? Non. On parle de l'importance non, du tambour, mais est-ce qu'il y a une sorte de... Enfin, c'est chaque chaman effectue le rite tel qu'il l'entend. Il y a beaucoup d'improvisation. Évidemment, il y a des conventions, puisqu'on est dans un phénomène culturel où il y a une tradition, on se transmet de génération en génération, mais on n'est pas du tout dans une liturgie. En anthropologie, on va distinguer des rituels de type performance, avec beaucoup d'improvisation, et des rituels de type liturgique, où le scénario, le script, est écrit à l'avance, peut même être noté, publié dans un missel. Alors là, c'est pas le cas du tout, puisqu'on est dans des traditions orales, et en plus des traditions orales qui attendent de la spontanéité de la part de la personne qui fait la performance. Donc il y a du nouveau à chaque fois. À chaque rituel, il va y avoir des esprits particuliers qui sont appelés, d'autres qui sont pas là. Donc ça change du coup le processus. Il y a une adaptation à la demande de chaque famille. Alors, dans votre ouvrage, vous insistez sur l'importance de l'imagination à l'œuvre dans la pratique chamanique. Vous distinguez l'imagination guidée de l'imagination exploratoire, l'imagination contemplative de l'imagination agentive. Et vous racontez notamment votre rencontre avec, en Sibérie du Sud, avec une chamane qui avait parmi ses esprits auxiliaires, ceux avec lesquels elle discute, un dragon. Alors, ça nous a fait penser à un extrait, pour le coup, que nous avons tous en commun dans l'Occident, puisque c'est un extrait de série télévisée, vous allez la reconnaître tout de suite, il s'agit de Game of Thrones, dans lequel il s'agit aussi de dragons. Je vous propose qu'on l'écoute, et vous nous direz ensuite comment l'analyse que vous proposez de l'imagination s'applique dans le cas de votre chamane, et à l'inverse, comment peut-être propose-t-elle un contre-exemple dans le cas de la série Game of Thrones. Les œufs ne seront d'aucune utilité à Drogo dans les contrées de l'ombre. Vendez-les. Ainsi, vous pourrez rentrer dans les cités libres et vivre riche pour le restant de vos jours. Ils ne m'ont pas été offerts pour les revendre. Khaleesi, ma reine. Je jure de vous servir, de vous obéir, de mourir pour vous si besoin est. Mais laissez-le s'en aller, Khaleesi. Je crois connaître vos intentions, n'en faites rien. Je le dois. Vous ne voyez donc pas... Ne me demandez pas de rester sans rien faire quand vous monterez sur ce bûcher. Je ne vous regarderai pas brûler. Est-ce là ce que vous craignez? Mon nom est Daenerys du Typhon, de la maison Targaryen. Je suis du sang de l'ancienne Valyria et je suis la fille du dragon. Je vous jure aujourd'hui que ceux qui vous voudraient du mal mourront en hurlant de douleur. Je m'entendrai pas hurler. Je t'entendrai. Mais ce ne sont pas tes hurlements que je veux. Seulement ta vie. Au sang de mon sang. Alors si dans le chamanisme, l'importance est accordée non pas à la raison et à la discursivité, mais au chant, au son, aux images, à l'imagination et à la narration, quelle différence alors avec en Occident avec une série télévisée qui va peut-être nous fournir une espèce de mise en scène qui peut aussi apaiser, qui peut convoquer l'imagination vers un endroit où on ne pensait pas aller? Est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à dire que les séries télévisées sont l'équivalent d'une forme de chamanisme occidental? Charles Stepanov. Alors, il y a des traits communs, vous avez raison de les suggérer. J'ai essayé, d'un point de vue anthropologique, de comprendre quel est le statut de l'imagination dans les traditions chamaniques, en prenant un peu de recul et en essayant de voir ce qu'on voit comme utilisation de l'imagination dans d'autres sociétés et ce que la psychologie et les neurosciences nous apprennent sur le fonctionnement de l'imagination. On voit que l'imagination... elle est présente au quotidien dans la vie des humains, qu'elle est même caractéristique de notre espèce. Aucune espèce apparemment n'est capable ainsi de s'extraire de l'ici et maintenant pour se projeter dans des mondes différents. Alors les expériences qui montrent que peut-être les rats sont capables de préparer des itinéraires mentaux, mais malgré tout, la grande différence c'est que nous on partage ces voyages mentaux. Ils sont collectifs. Et ça, c'est unique. Et évidemment, ça passe par la production symbolique et culturelle et par le langage. On est capable de se projeter de façon collective dans un univers complètement fantastique comme celui de cette série Game of Thrones et de concevoir des thèmes très éloignés de notre vie quotidienne tous ensemble. C'est très fascinant d'un point de vue anthropologique. Et alors, en plus, ce qui m'a intéressé, c'est que vous avez là des thèmes communs avec des traditions culturelles chamaniques, notamment cette jeune femme, Daenerys Targaryen, qui a pour auxiliaire des dragons. J'avais rencontré une chamane qui avait, elle aussi, pour auxiliaire des dragons. Vous avez le jeune garçon Bran, dans la série, qui est capable de projeter sa conscience, son attention, en dehors de son corps, dans un esprit auxiliaire qui est un corbeau. C'est très littéralement copié des expériences des chamans de Sibérie ou d'Amérique du Nord. Donc, ensuite, on peut se demander comment ces mêmes thèmes, finalement c'est les mêmes thèmes, ils sont transmis dans ces deux contextes sociaux, d'une part l'Occident moderne et d'autre part les traditions chamaniques. Là, on a des contextes tout à fait différents en termes de transmission, puisque la série, elle, elle mobilise des technologies extraordinairement puissantes. C'est par Internet que des millions de personnes à travers le monde vont se projeter ensemble dans cet univers fictionnel. Et ben, c'est basé sur quoi ? Sur des milliers d'ordinateurs, sur des câbles intercontinentaux qui transmettent les images d'un ordinateur à l'autre. Et c'est basé sur une division du travail dans laquelle vous avez d'un côté des créateurs qui ont inventé la fiction et de l'autre des consommateurs qui vont se projeter dans ce monde mais dans lequel ils ne peuvent pas intervenir eux-mêmes. Alors là où je suis frappé de la différence, c'est que moi, ma chamane qui me dit qu'elle a des auxiliaires dragons, chez elle, il n'y a pas tellement de différence entre créateur et consommateur. C'est pas totalement elle qui l'a inventé ce thème-là puisque c'est présent dans la tradition. Mais en même temps, c'est pas signé. Il n'y a pas un réalisateur de cette thématique. Elle le revit, elle le réinvente à sa manière, elle le réexpérimente, elle en fait une expérience personnelle où elle n'est pas spectatrice, où elle-même, elle est actrice. Elle-même, elle a un petit côté Daenerys Targaryen. Et elle le vit mentalement. Elle a des aventures avec ses dragons de temps en temps quand il faut les mobiliser. Donc on voit qu'on a des modes de transmission tout à fait différent. On peut dire du côté occidental un mode extrêmement hiérarchisé qui est fondé sur la transmission de ce que j'appelle un modèle canonique, c'est-à-dire que tout le monde voit exactement le même scénario au même moment et ensuite peut l'interpréter, être attentif plus ou moins, etc., se l'approprier de façon variable suivant les individus, mais selon un même modèle canonique. Et puis, il y a un autre modèle de transmission qui, en fait, traverse énormément de sociétés humaines, qui est celui, ce que j'appelle le schème génératif. C'est-à-dire, ce qui est transmis, c'est pas un contenu mot à mot avec des dialogues, etc., inchangeable, intouchable, comme une série, un film, un roman. C'est plutôt un schème génératif, c'est-à-dire une recette pour recréer des nouveaux scénarios qui vont être différents pour chaque chaman, pour chaque personne. Chacun va revivre une expérience sur un même patron, mais adaptée à sa propre vie, à sa personnalité, à sa propre imagination, sous forme de vision, sous forme de rêve. Les traditions oniriques sont très importantes pour ce genre de transmission avec des schèmes génératifs. Nous, on a vraiment du mal à concevoir que le rêve soit un phénomène culturel, une forme de transmission, parce que c'est ce qui est sûrement le plus opposé à notre modèle à nous, qui est la transmission hiérarchique. Il y a quand même la psychanalyse en Occident. Alors, qui puise dans le matériau du rêve. N'a pas du tout pour rôle de transmettre des schèmes de rêve. Elle a pour rôle d'interpréter des rêves qui sont conçus comme des productions individuelles de chacun et qui nous permettent d'éclairer le moi profond de chaque individu. Donc c'est une perception, comme je disais tout à l'heure, tournée vers l'individu. Le rêve nous apprend quelque chose sur qui on est. Alors que dans les traditions où, au contraire, le rêve, c'est pas individuel, c'est social. Le rêve, ça nous ouvre vers le monde, ça nous permet de connaître ce qui va se passer demain chez mon voisin ou ce qui va se passer dans le royaume. Dans les royautés anciennes, les rois faisaient des rêves et c'était un objet politique. Le rêve n'est pas un objet psychanalytique qui nous informe uniquement sur l'individu. Et ça, c'est pas du tout absurde, parce que le rêve, c'est un des éléments de la production imaginative humaine, ce que je développe dans le livre, l'idée que notre imagination, c'est une part essentielle de notre façon, à nous, Homo sapiens, d'habiter notre univers. Est-ce qu'à ce titre, vous tenez les sociétés chamaniques comme des modèles que nous devrions davantage étudier et en tirer quelques leçons ? Oui, je crois qu'il y a des leçons à en tirer, effectivement, parce que tout simplement, en prenant un pas de recul, en considérant ce qui se passe à côté dans ces sociétés de Sibérie, d'Amérique du Nord, on se rend compte que notre usage de l'imagination, il est extrêmement pauvre, il est extrêmement limité, que c'est comme si on renonçait en fait à une partie de notre puissance qui fait notre spécificité d'êtres humains. Et eh bien, on a, On est dépourvu effectivement de possibilités dans notre rapport au monde. C'est pas juste une histoire de créer de la fantaisie, de mieux se connaître soi-même. C'est vraiment dans notre façon d'habiter le monde qu'on se prive de certains moyens d'accès. Alors nous, le moyen d'accès à la réalité, qui est une forme de transe, et en tout cas qui décuple notre puissance, ce matin, nous autres occidentaux, c'est avec Jimi Hendrix qu'on va essayer de l'atteindre. Le voodoo, c'est un lien avec le chamanisme ou pas ? Il y a des comparaisons possibles. Vous êtes bien généreux, voici donc Voodoo Child. Merci beaucoup Charles Stepanov d'être venu nous parler de chamanisme ce matin. Merci à vous. Je renvoie à votre ouvrage « Voyager dans l'invisible, technique chamanique de l'imagination » aux éditions La Découverte. Je pourrais citer aussi les plus anciens, c'est loin d'être votre premier livre sur le sujet. On mettra les ouvrages en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Et ce matin, Géraldine, vous nous parlez de société civile. Et oui, lundi, 8h30 environ, j'écoutais la radio et j'ai entendu ça. Moi, je le dis très clairement, je viens de la société civile, je militais en ONG avant et je resterai élue une activiste. Et je sais, en tant qu'élue désormais, à quel point l'action des ONG, de la société civile, est nécessaire, indispensable pour eux. Mais pousser c'est-à-dire que les vous, élus à agir. Vous, votre travail, vous n'êtes pas capable de mettre la pression toute seule ? Je suis le porte-voix de justement cette mobilisation sociale. L'eurodéputée de la France insoumise, Manon Aubry, était la grande invitée de la matinale de France Inter et elle employait ce terme devenu désormais un élément de langage, la société civile. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on s'est habitué à ce terme et on en a une idée au moins vague. En faisant quelques recherches, il est de toute façon facile de trouver des articles et des livres qui en retracent la généalogie et les usages. Son apparition dans le sillage du protestantisme luthérien, son utilisation actuelle par Jean-Pierre Raffarin, le Mouvement En Marche ou les ONG, sans oublier son traitement incontournable par Hegel, Tocqueville et Marx. Se pencher sur cette notion de société civile n'a donc rien de neuf et en interpellait bien d'autres avant moi. Pourtant, ce qui m'a frappé ce matin-là, c'est cette manière de le revendiquer encore une fois comme la preuve d'un engagement authentique et légitime. Alors même que société civile a tout du signifiant flottant, du signe d'un renouvellement de façade de la classe politique, alors même qu'il s'y joue un présupposé surprenant, venir de la société civile serait forcément mieux pour bien faire de la politique que devenir de la politique elle-même. Mais pourquoi ? Sur le renouvellement. Aujourd'hui, ce sont 52% des candidates et des candidats qui sont issus de la société civile, au sens qu'ils n'ont jamais exercé de mandat électif et qu'ils n'exercent aujourd'hui aucun mandat politique. Pourquoi venir de la société civile, c'est-à-dire n'avoir jamais exercé de mandat, avoir une activité professionnelle, ne pas avoir fréquenté les cercles politiciens, serait-il le gage, un peu paradoxal dit comme ça, d'une nouvelle manière de gouverner, mais plus d'une bonne manière de gouverner. Une manière plus juste, plus authentique, plus légitime. Les enjeux d'une telle valorisation de la société civile sont évidemment clairs. Il s'agit de se prémunir contre la division entre l'élite et le peuple, de mettre en œuvre une politique plus proche et plus soucieuse des gens, moins technicienne, moins professionnelle, de revenir donc à une politique de la police, de la cité et pas des vieux politiciens. Intention louable, même si elles peuvent être de la poudre aux yeux. Mais justement, et c'est ce qui m'a interpellée, pourquoi est-ce un argument qui marche, qui semble valable ? Pourquoi est-ce que ça peut convaincre, voire rassurer, de savoir qu'un homme politique fait partie de la société civile tout comme moi ? Ai-je besoin, comme citoyenne, d'être gouvernée par quelqu'un qui me ressemble, qui a les mêmes préoccupations, les mêmes savoirs, les mêmes envies ? Mettra-t-il forcément en œuvre ce que je souhaite politiquement ? Bref, vous l'avez compris, je me suis demandé pourquoi le label « issu de la société civile » attestait nécessairement de la contribution d'un tel à l'intérêt général. Car fait-on tous partie de la même société civile ? Veut-on tous être gouvernés par son semblable ? Ce qui lie les individus dans la société civile, ce n'est pas le maximum de profit dans l'échange, c'est toute une série qu'on pourrait appeler, si vous voulez, d'intérêts désintéressés. Qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, dit Ferguson, ce qui lie les individus dans la société civile, c'est l'instinct, c'est le sentiment, c'est la sympathie, c'est des mouvements de bienveillance des individus les uns pour les autres, c'est la sympathie, c'est la compassion, c'est aussi la répugnance pour d'autres individus. Hegel, Tocqueville, Marx, mais aussi Foucault, dans un cours au Collège de France en 1979, comme on l'a entendu, ils se sont tous intéressés à ce qui constitue la société civile. Pour Foucault, on l'a entendu, ce qui en rassemble les membres, ce sont des sentiments extra-politiques. Pour Tocqueville, cette société uniforme est opposée à la politique. Pour Hegel, c'est le stade qui précède l'État. Mais est-on si sûr de l'uniformité émotionnelle et sociale de cette société civile ? Marx, par exemple, avait bien vu les rapports de force entre les classes qui la constituent. Mais au-delà de cet angélisme sur l'uniformité de la société civile, qui pousse à penser qu'en venir suffit à la connaître et à bien la gouverner, il y a plus. Car pour moi, vouloir transvaser la société civile dans la société politique, ce n'est pas en fait transformer la société politique, c'est au contraire vouloir transformer la société civile. C'est vouloir en atténuer les conflits, les différences, les nuances qui la constituent et surtout lui retirer sa spécificité, sa force d'opposition face au pouvoir politique. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie. Aujourd'hui, Jules Barbier, à qui l'on doit le texte de Rimbaud notamment, avec Isis Jourda, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Jacques Ezubert à la prise de son, Georges Clès à la lecture des textes chamaniques. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur la spiritualité. Demain, nous parlerons de soufisme, le soufisme ou la danse de l'âme. Ce sera en compagnie de Lélie Anvar. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission